Je me suis placé dans la voie de stockage pour tourner à gauche. Par principe, il est interdit de changer de voie à partir du moment où des flèches indiquent une direction à suivre. Mais réfléchissons aux conséquences possibles d'un retour à droite. Dans la situation numéro 2, il est évident que l'on va gêner la voiture aperçue dans le rétroviseur. Dans la situation numéro 1, il n'y a personne derrière, mais c'est peut-être encore plus un problème. La voiture arrêtée au stop à droite a vu mon placement, et comme personne n'arrive sur la route prioritaire, elle peut décider de tourner. Si elle tourne au moment où je reviens à droite, le risque d'accident est important. Pas question de revenir directement. Il suffit de tourner à gauche, puis de faire demi-tour pour revenir à l'intersection et reprendre sa route sans risque. Réponse B et D.